Planète Rap. 100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français. Juste après Difool, passez une bonne soirée ce soir. En invité pendant une bonne heure, monsieur Dei du Barbès Clan. Ça va bien? Ouais, ça va et toi, Fred? Écoute, en pleine forme, bienvenue. Ça va, merci. T'es venu avec l'équipe, je vois Yoni Willy qui sont évidemment dans le coin. Bien shot là. Quand on dit Yoni Willy, Gizmo n'est pas très loin non plus. Aïe aïe aïe. Ah, je suis désolé, toujours t'es occupé, Gizmo. T'es occupé. Je t'ai interrompu. Non, mais toujours en soutien, tu connais. Ça va bien, tout va bien? Et toi, Fred, ça va? Bah ouais, Mimi aussi, qu'on peut saluer, qu'on retrouvera aussi dans le morceau, on va débuter avec. Ouais. Voilà. Avec Dei. Avec Dei, c'est ce qu'on pourra découvrir dans un instant. Bon, Dei, j'ai envie de te demander d'abord pour commencer, petit CV Express. Yes, bah, Dei, rappeur de Paris 18ème, qui est parti de la Goutte d'Or. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle le Barbès Clan. Ouais. Donc, je suis dans le rap à peu près depuis 2002-2003, ma première trace discographique. Depuis, j'ai un petit peu erré dans le milieu underground du rap. J'ai sorti un projet en 2011 avec YKW. Qui s'appelle 18 grammes avec mon collègue Chantla qui est là présent avec qui nous. Est là aussi, ouais, qu'on salue. Et voilà, aujourd'hui je reviens avec un petit EP ouais. Qui s'appelle Freebase et qu'on peut trouver, on peut le trouver un peu partout. Il est disponible seulement sur iTunes, ouais, juste en digital, c'est juste un petit EP. Donc téléchargement légal pour le EP Freebase qu'on va découvrir. D'ailleurs on va débuter avec un morceau tout de suite. Yes. On parlait de Mimi, elle est présente sur le morceau, ça s'appelle le même script. Yes. Et puis on ira faire un tour aussi justement dans le projet dont tu parlais aussi, 18 grammes. Le projet de Barbès Clan dans un instant. On y va, coup d'envoi? Yes, sir. Allez, coup d'envoi de la nocturne. Deio Control, Yoni, Willy, Gizmo, Mimi et tous les autres. Planète Rap 100% Explicit Lyrics. Je me pardonne à mes remparts, j'ai mené la vie dure. En échec scolaire, dans la rue, j'étais ce type assidu. Galère sur des kilomètres, parce que je suis quelqu'un de borné. Cousine, la rage de vivre déborde comme tes putains de bourrelets. Aucune carte en main, les frères utilisent l'arme de poing. La sortie est plus bouchée que le périph' aux heures de pointe. Je regarde ma montre, je veux pas attendre mon heure de gloire avant que mon compte soit gelé, ou bien même qu'il meure de froid. Celle que t'appelles ourti fait plus que checker son booty. Le boutin, ça coûte le trou du cul, guette le prix en boutique. Pour des roupies, des broutilles, ou bien pour des groupies, ça hésite plus et ça sort l'outil direct. Call of Duty. C'est plus la qualité, mais l'audimat qui brille. N'écoute pas avec tes yeux, vu que n'est pas hors tout ce qui brille. Je suis là pour l'étincelle, la main sur le kébri. Ouais. On nous dit que la route tourne, moi j'attends toujours mon kéti. Je me balade dans la street. Hors la loi, nique la misère, c'est tout par le même script. Ma gueule pour changer d'univers, on attend le moment propice. Chacun fait comme il veut faire, chacun essaie de faire son piste. Entre les rois d'un fumigène, je me balade dans la street. Hors la loi, nique la misère, c'est tout par le même script. Ma gueule pour changer d'univers, on attend le moment propice. Chacun fait comme il peut faire, chacun essaie de faire son piste. Algérien jusqu'à la mort, enfoiré, je suis pas la mode. Je me respecte, je suis pas prêt à tout pour faire grimper ma cote. Sur la corde raide, pas sur un bord de mer. Bordel de merde, c'est Amsterdam à deux pas de la rue ordinaire. Sous le genre de rabouche qui les regarde pour l'embauche. À croire que tous les matins, je me réveille de la jambe gauche. Toujours confiance en moi malgré qu'on m'a sous-estimé. Je préfère crever la dalle et demander le reste d'un dîner. Parole de Fennec, je suis pas dans les tripes électro. Je représente le bled comme une bouteille de Selecto. Je connais des mecs qui ont pas de visa, qui tapent ton électro. Ne vise à pas visa, je veux plus malin, peut ressembler à un con. Foulé par ce monde, je vomis ma haine à travers la vinca. J'essaye de tenir la route comme le trompas d'un barbica. Quand ça tourne au vinaigre, la loi du silence on applique. Et même dans les abîmes, on restera muet comme Charlie Chaplin. Je me balade dans la street. Or la loi nique la misère, c'est tout par le même script. Ma gueule pour changer d'univers, on attend le moment propice. Chacun fait comme il peut faire, chacun essaie de faire son piste. Entre les rois d'un fumigène, je me balade dans la street. Or la loi nique la misère, c'est tout par le même script. Ma gueule pour changer d'univers, on attend le moment propice. Chacun fait comme il peut faire, chacun essaie de faire son piste. Aveuglé par l'oseille, j'ai vu mon entourage réduire. Si t'es marié à la rue, c'est que le chétan t'a séduit. Les sourires disparaissent quand ta vie devient un fiasco. Les enfoirés se frottent les mains, se les essuient avec ta fiance con. Sans un rond en poche, j'ai traversé le désert. Mon taron m'a déjà tarté, mais jamais privé de dessert. J'ai diminué la tisse parce que je sais qu'on vit pas deux fois. Le mal de vivre, demande à guise, peut conduire au mal deux fois. Le broc va pas te blanchir, cousin, si t'as les mains sales. On esquive pas les bouchons de la vie par la voie nasale. Le quartier un bordel, un putain de bazar. À force d'y avoir traîné, on a des squelettes en asphalte. Je me méfie de ces mecs chelous, plein de sourires et de courtoisie qui cachent toujours un truc comme un salon de massage moachi. Le racisme est en hausse comme la vente de hashish. Pourtant le déclin de la France, c'est pas à cause de Aziz. Je me balade dans la street, hors la loi nique la misère. C'est tout par le même script, ma gueule pour changer d'univers. On attend le moment propice, chacun fait comme il peut faire, chacun essaie de faire son piste. Entre les rois d'un fumigène, je me balade dans la street, hors la loi nique la misère. C'est tout par le même script, ma gueule pour changer d'univers. On attend le moment propice, chacun fait comme il peut faire, chacun essaie de faire son piste. Yeah, le même script, la même équipe, le même type. Yoni Wede, Barbès Clan, Chantel ATI. Yeah. Yeah. Hey. Toujours le même script. Mec, je me balade dans la street. Ouais, c'est pour le 18 et tous les autres districts. TTTI. Yeah. Sur Skyrock. Zip Kicks, Zdenerex, Chocla, D.I. Willy Barge, Yoni, 9-5-18ème, Zdenerex. Blam. Yeah. Du son est à belle part, moi je suis né au parc. Donc comprends qu'on peut rire mou. Si tu vends de l'as et coupé au plâtre, t'auras un point rouge sur le front comme les Kindous. J'pose ma griffe sur les O-crack, ça sort des plaques d'égout. Céline Dion sent pas les couilles de caribou. Quand j'ouvre ma couillasse, tout le monde le sait, j'suis comme une boîte de canigou. Néochrome, néo-crack. On fait pas de chrome, on sort le chrome et on craque. Baisse par capitale du crack. Bro, dans la rue, on te sert plus vite que le McDo. Tu veux un buzz, un feat avec McDo. On est que le beat, bim, badabou. Tu veux une pipe, fuck, vite dans un baralou. Blair, blair. Néo crack, roule un spliff, mets-toi m'l'air. Official comme la chevalière Napoléon. T'as les couilles qui s'attatinent comme un accordéon. Le stream du rap sans la marée d'Oléron. Ça me donne sa voile au monde et du Corléon. On se fond dans le décor comme des caméléons. On écrase la merde de ceux qui parleront. Néo crack, si ça braque, c'est qu'il y a pas les ronds. Néo crack, on vend le crack et on touche pas les ronds. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pointé sur le terre, c'est un chic comme être klepto. C'est le rap du ghetto, pas celui qui plaît au trap. Chante la DI, c'est Gecko, néo crack. Demande à Willy, ce qu'on veut, c'est le Billy. Efficace comme Pacini, toi t'as style à Camini. Attends, c'est pas fini. J'envoie les ogives, la salade des olives, c'est pas pour les panini. Un flash, une canette, je me connecte au royaume des morts. On sert des grosses cuisses, pas des petits sont morts. Les petits sont morts pour quelques pièces. Et la haisse, pas d'essence dans la caisse. Écarte tes fesses, ton cadavre, tu banales. Ton cadavre dans le canal, ça devient banal. Paname c'est tellement chaud, Paname c'est tellement ça. 18 grammes, on est grillé comme sur la webcam. Ouais m'dame. Official comme la chevalière Napoléon. T'as les couilles qui se ratatinent comme un accordéon. Le stream du rap sans la marée d'Oléron. Ça pète sa voile au monde et du Corléon. On se fond dans le décor comme des caméléons. On niquera la merde de ceux qui parleront. Néo crack, si ça braque, c'est qu'il y a pas les ronds. Néo crack, on vend le crack et on touche pas les ronds. Gratte les couilles à la voile des ramas. Ouais, tu vas le dire à qui? Ouais, tu vas le dire à main. On se gratte les couilles à la voile des ramas. Ouais, tu vas le dire à qui? Ouais, tu vas le dire à main. La plupart des gens, ils sont matrixés. Certains manient la farine mieux que le pâtissier. T'es pas à l'abri d'un keuf qui joue le boy scout. Qui rêve de te refroidir comme dans les rues de Moscou. Le scout, parmi tes potes, ça se trouve t'as un indique. Quand tu te frappes au car, tu diras plus je suis fanatique. Changer de phone, c'est automatique, symptomatique. Comme rouler des cigarettes aromatiques. Romantique avec la rue, c'est ça le quart d'heure. On essaie de durer, tenir la route comme un ardeur. Dramatique, dans la street, y'a pas de cœur. Blasque mérite les jacteurs. Official comme la chevalière Napoléon. T'as les couilles qui se ratatinent comme un accordéon. Le stream du rap sans la marée d'Oléron. Ça pète sa voile au monde et du Corléon. On se fond dans le décor comme des caméléons. On niquera la merde de ceux qui parleront. Néo crack, si ça braque, c'est qu'il y a pas les ronds. Néo crack, on vend le crack et on touche pas les ronds. Official comme la chevalière Napoléon. T'as les couilles qui se ratatinent comme un accordéon. Le stream du rap sort la marée dans les ronds. Ça vient de sa toile au monde et du Corléans. On se fond dans le décor comme des caméléons. On niquera la merde de ceux qui parleront. Néo crack, si ça braque, c'est qu'il y a pas les ronds. Néo crack, on vend le crack et on touche pas les ronds. On se fond dans le décor comme des caméléons. On niquera la merde de ceux qui parleront. Néo crack, si ça braque, c'est qu'il y a pas les ronds. Néo crack, on vend le crack et on touche pas les ronds. Yeah. On niquera la merde de ceux qui parleront. Tous les refrains au star. Cette gecko. Néo crack, on vend le crack et on touche pas les ronds. 100% 100% Lyrics Planète Rap. Arrêtez de faire les fous, vous allez tomber mal. Sous mes mots, sous mes balles, vous allez tomber mal. Ils ont détruit l'escalade, à l'époque, la quête à scalable. Je me balade avec mon escalope. Pour rester au top, on gratte dans n'importe quel bison, bise dans n'importe quel dièse. On fume, on tease, on baisse, on sait la bise avec des opinels 13. J'ai pas de bœuf sur le net, j'ai un stick. Je me bats les couilles, je me gratte les couilles, c'est un tic. Une feuille et un pic-le, rien de plus chic-le. Et tu peux, si tu peux, le flic chip-le. Les soi-disant bavards. Quand je prends le mic, c'est le bazar, c'est le bordel, c'est le schéma de Best Bar. Je suis la plume du 18 et je te dis à plus tard quand j'arrive à plus tard. Fuck les soi-disant bavards. En tout cas, quand je prends le mic, c'est le bazar, y'a pas de hasard. Ils sont tous dans les casas, combattants comme Hamza. Je te le dis, personne n'est un bâtard. Si tu perds, les gens diront que t'es un bâtard. Dis à ta bande que je trie mes yeux bandés, bandés, bande de combat. Chante la boule et paf, des covas. Assourdissant comme un paronois. J'en ai pas de mécentre, laisse tomber la neige de janvier à décembre. Paris par baisse, la tarot, c'est en beurre, ça plaît. La table pleine, c'est la merde, vu qu'on a pas de blé. Pour du bif, j'suis nomade comme un Sahraoui. Ça bicrape, du putain de Tarsaklaoui. Chez nous, c'est un autre monde, c'est morbide. Histoire de dope, de mecs, poignard et dans le bide. Soupillaf, bel et comporteur d'un signe. En guise de décrit, ces bâtards poussent dans la scène. Dans la dèche, y'a personne qui tend sa perche. Dans ma rue, quand tu coules, y'a pas de repêche. À cette heure-ci, sans les sous, on est mal barré. Comme tenté, niqué sans thune dans un cabaret. Combien de scars là, finissent déprimés. Sont dans la cocaïne, ou les comprimés. Génération opprimée, que tu traites de primate. Si je suis au stud, c'est qu'au tiers, y'a les stupes qui matent. Les soi-disant bavards, en tout cas, quand je prends le mic, c'est pas ça. Y'a pas de hasard. Ils sont tous dans les casas, combattants comme Hamza. Je te dis, personne n'est un bâtard. Tu perds, les gens diront que t'es un bâtard. Tiens à ta bande que je rime les yeux bandés, bandés, bande de convois. Chante la brûle et paf, des gros voix. Assourdissant comme un paranoïa. Je n'ai pas de mes sangs. Laisse tomber la neige de janvier à décembre. Rap comme un tuteur dit, et leur dit mon dieu, passe. Si le monsieur c'est de la passe, qu'est pas ça. Rap à la nuit, on m'écoute comme les boucs sur écoute téléphonique. Je suis un daron, un baron, j'écris des textes qui font flipper la taronne, la caronne, la dortonne. Sachez qu'à la goutte d'or on dort pas. On fait la défaite pour un coup de place défaite. Pas de fuite avec des fils de pute. Le rap c'est PMU pour percer dans la ZICMU. Faut miser sur un tocard. Le rap c'est PMU pour percer font un défu. Ou tirer sur un gros lard. Les fois ils sont bavards. En tout cas quand je prends le mic c'est pas ça. Y'a pas de hasard. Ils sont tous dans les casas, combattants comme Hamza. Je te le dis, personne n'est un bâtard. Si tu perds, les gens diront que t'es un bâtard. Tiens ta banque, j'ai mes yeux bandés. Bandés, bande de convois. Chante la brûle et pas les convois. Assourdissant comme un paranoïa. Je n'ai pas mes sangs. Laisse tomber la neige de janvier à décembre. Ouais, je crois à Léon, Barbès, la goutte d'or, la rue la Guade, DJ, Bio, le H, Mimi, Pluto, Limi, Fafa, Nono, Pitou, yeah. Aboulé, Adoul, Radmou, Scrap Connex, jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Ça a retourné avec mon frère. Pour tous les frères sont en tôle. Il faut le ramadan dur en ce moment. Tous les frères tout seuls. Personne n'est à la chaleur. Yeah. Barbès Clan. C'est la nocturne avec Barbès Clan et D.I. Jules Barbès Clan, là c'était un projet justement de 18 grammes qui est toujours dans les bacs, hein, qu'on écoutait D.I. Toujours dans les bacs, toujours sur iTunes, tu vois, tu peux le trouver. Personne n'est imbattable, le nom du morceau. Yes, on featuring avec mon poteau Chatla, qui est présent, qui est parmi nous. Qui est là. Qui est et toujours qu'on, là. Qu'on écoutera peut-être en live, vous allez faire du live tout à l'heure. Ouais, on va faire un petit live bien comme il faut. Bon, on va saluer aussi l'arrivée d'un autre membre de l'équipe de Yoni Willy qui est là. C'est la secret connexion. Voilà, exactement, le poteau Mokless. Mokless. Ouais, ouais, ouais, on est là, bonsoir, ça va ou quoi? Ça va et toi, Mokless, en pleine forme? On va à l'aise, on est venu soutenir le frère D.I. là. D.I. c'est qui justement par rapport à la Scred Connexion? C'est un peu la descendance aussi? Ouais, de... ben, il était surtout les projets de la Scred. Moi-même, quand j'avais des compiles à droite à gauche, à chaque fois, je prenais D.I. avec moi, on allait faire des coupés à droite missions. À gauche, des missions, tu vois. À chaque fois que je cherchais un missionnaire, voilà. Il est là, il était présent. D.I. qui était opérationnel, donc. Donc voilà, ça m'a permis de faire beaucoup de choses avec lui, de partager des couplets. Et voilà, maintenant il fait sa petite route en solo, il fait sa petite route avec Barbès Clan. Et franchement, je suis content de lui. Bon, tu reconnais un peu quand même une filiation de l'équipe Scred Connexion, ouais, de Barbès. Il y a la patte. Il y a la patte. Il y a un truc. Il a la patte. Ah, c'est normal, c'est la même école, tu vois, que les Smos, c'est les grands frérots, tu vois, avec la Scred. Et Mokless, tu vois, comme il t'a dit avant, c'est un des mecs dans le rap français qui m'a ramené avec lui dans plein de petits délires, t'as vu. C'est-à-dire, entre guillemets, il m'a un petit peu montré les ficelles du métier, un petit peu comment ça se passait. Même au niveau, tu sais, au niveau d'écriture et tout, comme j'étais un mec de baseball, je suis un petit peu influencé, c'est normal, tu vois. Et c'est pour ça qu'on va dire qu'il y a la même école. Et gros big up à Mokless, gros big up à la Scred. Et toi, ton projet s'appelle Freebase, il est alors digitalement dans les bacs, et on peut cliquer dès maintenant. Sur D.I. On a téléchargé ça depuis tout simplement. D.I. Allez cliquer, allez télécharger. Avant de vous retrouver tous en live dans quelques minutes, on repart sur une nouvelle session de son. On va mettre en apnée maintenant. Yeah, sorry, extrait de Freebase. Yeah. À l'abri du sautage, on navigue dans la street, on n'a pas de bouée de sauvetage. Les commissaires veulent nous crailler comme un anthropophage. Fais les troufages qui jouent les vrais, mais pas sa table dans les reportages. Je crois qu'il n'y a pas de chauffage, j'en dash dans l'œsophage. H24, on pense au cas, la cervelle prise en otage. Les MC ratent pas nos cas, jouer les mythos de bas étage. À trop les mets en bateau, normal que nos types fassent naufrage. On dit tous qu'on va se racheter. De nos trucs de covard, on oublie que la vie c'est speed, que ça va vite comme un go-fast. J'ai jamais voté, je me reconnais pas dans leur suffrage. Gauche ou droite, on rame toujours autant pour remonter à la surface. Je roule un cône bien vert comme une glace à la pistache. J'ai pas trouvé le génie en frottant la taille de pistache. Galéré dans la cage, attendant dans le H et les mandats cash. Ça fait partie des imprévus d'un train de vie à l'arrache. Yeah. Viens pas donner des leçons si la rue tu ne fais que la rapper. Y'a des mecs qui claquent quand t'es en studio à la ramener. Tu crois que la street c'est juste boire ou fumer de l'amener. Regarde tous ceux qui du matin au soir font de l'apnée. Font de l'apnée. Font de l'apnée. Regarde tous ceux qui du matin au soir font de l'apnée. Tu crois que la street c'est juste boire ou fumer de l'amener. Regarde tous ceux qui du matin au soir font de l'apnée. On cherche l'oseille à en perdre la tête. Pas de congé, les refs partent à la guerre même avec une athée. Je vois de la jeunesse rentrer chez elle de moins en moins sans. La rue recrute vu que le pôle emploi propose pas de job. Elles sont spécialistes dans les petits, les gros larcins. Le dit raconte la zermie. Comme on est, c'est le seul vaccin. Cousin, y'a pas de fils héritiers que des fils d'ouvriers. Ils niquent leur vie ou leur santé pour gratter un billet. Yeah. La rue on la fréquente depuis le bac à sable. Elle va te boxer comme Rocky. City joue les Assam. Y'a des souffrances qui passent, y'en a d'autres qui restent. Moi écrire ça me fait du bien, comme disait un petit verre. L'être humain, plus d'une fois m'a déçu. J'ai toujours pas le remède pour penser certaines blessures. À la recherche d'une vie saine, mais sur les thunes tu fais fixer. Tous les jours tu viscères pour voir la vie en pixels. Viens pas donner des leçons si la rue tu ne fais que la rapper. Y'a des mecs qui claquent quand t'es en studio à la ramener. Tu crois que la street c'est juste boire ou fumer de la mer. Regarde tous ceux qui du matin au soir font de l'apnée. Font de l'apnée. Font de l'apnée. Regarde tous ceux qui du matin au soir font de l'apnée. Tu crois que la street c'est juste boire ou fumer de l'apnée. Regarde tous ceux qui du matin au soir font de l'apnée. Dans du tunnel, on a du mal à le voir. Des fois tu gagnes, des fois tu perds, mais jamais les deux à la fois. On descend des centilitres en pensant se sentir libre. prisonniers du quartier, on rêve que de remplir la tirelire. Le bout du tunnel, on a du mal à le voir. Des fois tu gagnes, des fois tu perds, mais jamais les deux à la fois. On descend des centilitres en pensant se sentir libre. Prisonnier du quartier, on rêve que de remplir la tirelire. Viens pas donner des leçons si la rue tu ne fais que la rapper. Y'a des mecs qui claquent quand t'es en studio à la rapper. Tu crois que la street c'est juste boire ou fumer de l'année. Regarde tous ceux qui du matin au soir font de l'apnée. Font de l'apnée. Font de l'apnée. Regarde tous ceux qui du matin au soir font de l'apnée. Tu crois que la street c'est juste boire ou fumer de l'apnée. Regarde tous ceux qui du matin au soir font de l'apnée. Y et W. Y et W. D, D, D, I. M'enchaîne à la prod, poto. Mesquin, DJ Holden. Yeah, chant, chant, chante là. Gizzy Ousou. Yeah, Klesmo. Mimi. Yeah. Explicit lyrics, la nocturne. En scred. Ne m'en voulez pas. Non. Si je marche en mes pieds bas, je me fais palper et franchement ça me plaît pas. Ne m'en voulez pas, dans l'ascenseur n'aie pas peur. Tu fais un malaise, moi j'appelle les sapeurs. Dans le rap, dans le foot, tout le monde sait qu'il y a des casseurs. Fais pas de free fight si tu sais que t'es un catcheur. Ne m'en voulez pas, je suis là pour faire mon cash. Prends des risques pour 32, je peux manger un coup de hache. C'est une sorte de mea culpa, ne m'en voulez pas. Si quand c'est triste mes larmes ne coulent pas. Combien sont dans mon cas, ne leur en voulez pas. Si quand vous leur parlez, ils ne répondent pas. Ne m'en voulez pas si je vous quitte trop tôt. Trop tôt, comme l'impression que jusqu'ici j'ai eu trop de pause. Trop de pause. Ne m'en voulez pas, mes sœurs et mes frères. Par contre si je vous ai fait mal, je voulais pas le faire. Ne m'en voulez pas, si vulgaire devient l'écriture. Quand on me critique, car je ne rentre pas dans les critères. Ne m'en voulez pas, si des fois je suis casse-couille. Si je commets l'illégal pour me payer des casse-routes. Ne m'en voulez pas, si j'aime pas les racistes. Si je rêve de Le Pen dans une cave avec du parasite. Ne m'en voulez pas, comme Boulette tu reprends char. Faut doubler les bouchers, parce que je m'appelle pas Jean-Charles. M'en voulez pas, j'ai pas choisi ma ville. C'est pas de ma faute si la rue Mira ressemble à résident des villes. M'en voulez pas quand je sors les roses. Les roses. Quand j'essaie d'arranger les choses. Ouais. Ne m'en voulez pas, non. Si on peut pas se comprendre. Nos vérités sont moches à dire, ils veulent pas les entendre. L'amour m'a dit, va te faire ken, je voulais être sincère. Ne m'en voulez pas, si dans mes yeux j'ai plus d'étincelles. Ne m'en voulez pas, si c'est le cas, tant pis. En tout cas, en sous-marin, moi, je lâche des torpilles. Fais du sûr car tu traînes sur place. On se dépasse pas pour faire des dédicaces. Avec du toast, vous voulez qu'on se connecte. Ne m'en voulez pas, si je vous ignore, c'est mieux que mal vous connaître. Et si un jour j'ai la foi. Ne m'en voulez pas, vous ne pouvez reprocher à autrui de marcher droit. Ne m'en voulez pas, si je ne traîne plus avec vous. T'inquiète que je vois clair dans le regard de tous ces mecs flous. Ne m'en voulez pas, si l'espoir a déserté. Quartier délabré, même le square, il est désherbé. Je suis pas du genre à lécher pour du cash. La goutte papy, l'église Saint-Bernard. Zone sensible, ouais. La secte zona. La musique René, rayon de soleil sur Besbar. Ne m'en voulez pas, si j'ai crié mes semblables. Je regrette comme d'hab, je rigole pas sans blague. Ne m'en voulez pas si je vous dis pas tout. Car j'ai des valeurs, des principes, deux, trois sujets tabous. M'en voulez pas, j'ai pas choisi ma ville. C'est pas de ma faute si la rue Mira ressemble à résident des villes. M'en voulez pas quand je sors les roses. Quand j'essaie d'arranger les choses. Aïe, Barbès Clan, Secret Connex. Yeah. J'en mets dans la tendance. On est toujours dans la bonne direction. T.I. Shotla Klesmo Yoni Willy eh. Ça vient de Barbès tout ça. Planète ça rap tout ça. 100% rap français. Ah. Ok, ok. D.D.T.I. Barbès Clan. Y et W. DJ Bon. Chant, chant, chant, là. Ok, Paris Jésus. Ok, La monnaie vient, la monnaie part. Tout ça l'écoute quand elle nous parle. Précarité qui frappe tout part. Qui délinquant devient loupard. Trop de combats, de bâtardises. Demi-tomane devant Tardis. Laisse tes trous de balles dans leur matrice. Ils font les stars, ils vendent pas 10. Quand live des bas font de Paris. C'est d'où je viens, d'où je sors. Pas besoin des Qataris. ZS c'est déjà le sponsor. Comme le pétrole dans le baril. Mais qu'on jaillit du sous-sol. Les fils de pute en col blanc nous regardent comme des sous-hommes. Pas là pour finir clochard. Et ouais, poto, j'suis revanchard. La concurrence, j'vais la bouffer. J'ai sorti leur plancha. À chaque morceau, j'prends du level. Tel un super saiyan. Toi et ton rap, vous êtes aussi vrai que la poitrine à Zaya. Faut plus que de la parlotte pour aller chercher la cagnotte. J'garde un œil dans le dos, les bâtards te poussent dans le canyon. C'est pas du haut marion. Prends pas tes trucs de marion. Scoot un drap, on va le cramer comme un cocktail dans une paillote. Enfoiré l'approche, la fight rap. Ma zik, mais c'est de la free base. Dans les bas fonds, j'puise ma force. Rap cru comme les Fiji Fair. Lève la main, bouge la tête. Sarpé, allume ton split d'air. Bon, s'en va les couilles. On fait la fête direct quand un schmitt y dead. Ma zik, c'est de la free base. Ma zik, c'est de la free base. C'est de la free base, free base, free base. Ma zik, c'est de la free base, de la putain de free base. Sur la rue, tu rêves de mettre un terme, mais y'a pas d'IVG. T'es péché, t'exploses à la gueule comme un colis piégé. Sur Twitter, t'es dans le futur, sur tes comptes, t'es dans la terre. Tes 16 sont plus explicites que la dépôt d'un délateur. Ne joue pas à la grosse pointure, ton 44, c'est des baskets. Si en plus, t'amènes le cirage pour squatter les backstage. Ceux qui demandent si ça roule, veulent crever la chambre à air. Cousin, on t'aime bien, seulement quand t'es dans la merde. Les ventres vides, cherche à le remplir, en faisant les boulets d'eux. Donne ta main ou prends ton bras. Être gentil, c'est devenir lépreux. Tous gens à qui tu peux te fier, faire confiance, c'est onéreux. Les pigeonneux sont plus vicelards qu'un avocat véreux. Y'a, te casse pas les couilles, te prends pas la tête. Y'a pas de thème, y'a pas de douille, y'a pas de doute. On les emmerde, tous ceux qui ont mal, on parlait de nous. C'est pas de chance, c'est y pas de doute. J'en vois pas de sous pour club de vacances. Avec la France, dialogue de sous, manque de sous, prends de l'avance. On voit l'approche, la fight rap. Ma zik, mais c'est de la free base. Dans les bas fonds, j'puise ma force. Rap cru comme les Fiji Fair. Lève la main, bouge la tête. Sarpé, allume ton split d'air. Bon, s'en va les couilles. On fait la fête direct quand un schmitt y dead. Ma zik, c'est de la free base. Free base, free base. Ma zik, c'est de la free base. Free base, free base. Ma zik, c'est de la free base. Free base, free base. Ma zik, c'est de la free base. De la putain de free base. Parfait clan. Y et double V. Ok. Ma zik, mais c'est de la fripée. Ma zik, mais c'est de la fripée. Ma zik, mais c'est de la fripée. Ma zik, mais c'est de la fripée. Ma zik, mais c'est de la fripée. C'est la Nocturne 100% Rap France avec DI au contrôle de la Nocturne. Freebase, le projet qui est dans les bacs de DI. Yes, yes. Et ce morceau d'ailleurs porte le nom du projet. C'est Freebase qu'on écoutait à l'instant sur Skyrock. Un EP hein, qui est dans les bacs. Ouais, c'est un petit EP, un petit 8 titres pour revenir. Parce que entre 18 grammes aujourd'hui, j'ai eu une petite absence, tu vois. Quel un petit, c'est un gros, mon gars. Ouais, ouais. Grosse absence. Aujourd'hui, dans Rap Français, c'est une grosse absence. C'est un gros EP, ça. Grosse prod. Mais attends, validé par Mokless. Ils sont trop modestes, les mecs. Moi, ça m'a surpris. Moi, quand DI m'a ramené son projet, quand j'ai feuilleté ça, j'ai écouté, on va dire, j'ai été choqué. J'ai pris une baffe. Je me suis dit, bon, faut que ça sorte. Hein. J'ai dit, bon, vas-y, c'est le rap que j'aime. C'est par ça que j'ai commencé. J'ai dit, Yoni, vas-y, il y a un truc là. Il y a un mec là chez nous là. Il parle pas beaucoup, mais il est chaud. Il faut foncer. Il faut foncer. Voilà. Et c'est ça le but du rap aussi, c'est de faire ce qu'on aime, tu vois. Le but, c'est que ça sorte et puis que les gens puissent l'écouter, tu vois. Après. Le reste, on s'en fout, tu vois. Bah, ça se passe bien pour Yoni Willy, regardez, Gizmo ouais, est là en pleine va, forme. On va pas se plaindre, hein, tu sais. Calme. Avant qu'on fasse du rap, ça se passait bien aussi pour Yoni Willy, hein, je suppose. Mais pour Willy, c'est sûr, hein, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, moi, dans le rap, j'ai pas vu de millionnaire, t'as vu ce que je veux dire. On fait du rap, comment? Bon, et ben, c'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas, pour la suite. Quand Freebase, faut aller le chercher sur iTunes. Voilà. Faut le récupérer, puis ça va faire plaisir aussi à plein de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des instrus, et t'as rajouté les instrus aussi. On a mis trois instrus, pour vraiment les kiffeurs de Peura, pour les mecs qui suivent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de B-A-R, B-E-S-C-L-A-N. Et Instagram, c'est la même adresse que Twitter. D-I Barbesclan. Ah, tout simplement. Smoke, parce que t'as dit Amstramgram. Amstramgram. Ah ouais. C'est comme ça qu'on l'appelle. Pique et pique et collégramme. Bourré, bourré. Amstramgram. Voilà. C'est bon, on a le prochain tube là. Ouais, c'est ça. On rentre. Appelle Laurent, on le rentre. Bon, on est reparti sur une session avec Barbesclan, justement, un morceau qui s'appelle Police. Police, c'est un petit morceau qui nous tenait à cœur à l'époque de 18 grammes. Parce qu'on avait eu beaucoup de démêlés avec la police au cours de notre vie. Donc on a raconté un petit peu, il y a une petite histoire dedans, t'as vu, donc écoutez, voilà, ça va parler à tous ceux qui ont déjà eu des démêlés, et voilà. Y'a pas de soucis, big up à tous les frères enfermés. DI au contrôle de la nocturne. Jeff, TDI. Tu pas pisse clore la famille. Fuck les bleus. Aïe. Va moins deux. Écoute. Les bleus veulent nous protéger. Mais c'est quoi cette foutaise? Pas besoin d'insulter. Au regard, ils savent que je l'ai. Fuck les képis, la BAC, les CRS, les dardards, les Vici, ces bâtards, les GS. Au Sarige, l'OPG trafique les enquêtes. Pour un serrage de main, par le juge, tu te fais quête. J'veux ma commission, nique sa mère, la rogatoire. Tous les traits, ils collaborent pendant les interrogatoires. Ton Tcheka, les refs sont affaires de peau. Pour un contrôle d'identité, on plaque ta tronche sur le capot. On matraque dans tes côtes, ça c'est cadeau. Coup d'extinct dans la garde à vie, ton mis un schlag rado. En garde à parce que Rodave est le faciès. Comme d'hab, ces fils de Yash fallait qu'ils nous fassiègent. Au tribunal, ils terminent comme une brochette. Peine plancher, au mieux on se revoit l'année prochaine. Dans ma cellule, c'est la fête de la musique. Et dans ma tête, c'est la fête de la misère. Fuck les bleus avec ou sans la visière. Le mic chargé, tu pourras dire que je t'ai visé. Ma zigmu pourrait te servir de visa. Mon vis-à-vis, je le balave dans le visage. Je suis pas du genre à papoter avec la police. Quand tu rappes, y'a que les balances qui t'applaudissent. Arrête de jurer sur ta mère, tu vas la rendre malade. Du vinaigre pour assaisonner toutes tes salades. Je me défonce à l'air pur, en promenade j'ai pas de pilon. Sinon, j'ai les couilles pleines et les poches vite, vite. Envoyez les mandats avec la Melga, je veux pas remplir mon bide. 7-5-0-18 la sortie. On préfère se jeter que de jeter dans le vide. Chante, chante, chante là. Bar de Scléi. Franck les bleus. Y et W. Yeah. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Rap, chaîne en 100% explicite lyrics. La nocturne. Yeah. Excusez-nous, mon adresse, mec, on a la dalle à barbesse. Yeah. Excusez-nous, mon adresse. Yeah. Excusez-nous, maladresse. À ce qui paraît, l'espoir fait vivre. Mais la vie, elle est pas du grave. Combien faut-il d'un ethnic pour un mois de salaire à Ibra? Cette belle sirène qui t'aguiche quand elle renifle que tu brasses. Près la pute, tu vas faire la riche. Une petite semaine à Dubaï. Yeah. Tous ces risques que tu prends pour claquer tout bif que tu grattes. C'est quand y'a pas de pécule que tu penses face à la gamelle que tu grailles. Faut esquiver les matraques, pas être la proie dans un tabac de trappe. Quand tu dépasses un problème, y'en a toujours un qui te rattrape. Bouteille de Jack à ta table, fais-toi plumer comme un attaque. Tous les bails que t'as barbé, tu les rembourses avec une rafale. On veut tous s'en sortir, on veut tous trouver la faille. On veut tous récolter du blé, car personne veut être sur la paille. C'est pas du crème, c'est du crack. C'est pas du propre, c'est du crack. Enfoiré, tu nous vois pas venir comme une putain d'embuscade. On s'en bat les couilles de ton soir. On pratique le son d'espoir. Les mecs qui traînent dans l'espoir. Qui sait pour vivre sans espoir. Excusez nos maladresses. Mais on a la dalle à barbesse. Personne ne rêve d'avoir des finances qui ressemblent à la Grèce. Envie de me casser d'ici. Prendre cette chaîne de vie par les tresses. On compte pas sur les coups de chat. Tous en tape des vendredis 13. Qui veulent boycotter le 18. Boycotter le 18. Qui veulent boycotter le 18. Boycotter le 18. Ils veulent boycotter le 18. Yeah, boycotter le 18. Yeah, aussi je vais mettre mon biscuit. On attendra pas qu'ils disent oui. Passe pas mon temps à kicker. C'est pas le rap qui paie mais qui danse. C'est pas le cul sur le canapé qu'on va prétendre à la vivance. Conditionné depuis l'enfance. Quotidien d'Aral bouche en France. Y'a pas que chez le boulanger que ça découplé pas en tranches. Découplé qui dérange. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles des hanches. Yo cousin te gratte pas les veines. Même si je sais que ça te démange. Je veux pas finir dans les rangs. Pour les poucaves, zéro tolérance. Fils de pute, on sera tranquille. Quand t'auras les rotules en hanse. Nique sa mère la tendance. Mon rap ne porte pas de costume. Barbès clan DI, ça pose dur. Et s'en tape d'un succès posthume. On se met pas à quatre pattes pour sortir d'une mauvaise posture. Sache qu'on encule pas la France. avec une paire de fausses burnes. C'est chacun pour soi, que pour tous. Les coups de classe remplacent les coups de pouce. Tout le monde essaie de manger sa part, oubliant la base d'un couscous. Derrière Watt, tu traînes tes péchés comme un chauffeur de pousse-pousse. Les lascars sont capables du pire pour mettre sur la table un bout de troupe. Excusez nos maladresses, mais on a la dalle à Barbès. Personne ne rêve d'avoir des finances qui ressemblent à la Grèce. Envie de me casser d'ici, prendre cette chaîne de vie par les tresses. On compte pas sur les coups de chat, on s'en tape des vendredis 13. Ils veulent boycotter le 18, tiens. Boycotter le 18, tiens. Boycotter le 18, tiens. Boycotter le 18, tiens. Ils veulent boycotter le 18, tiens. Boycotter le 18, tiens. Moi aussi je vais mettre mon biscuit, on n'attendra pas qu'ils disent oui. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Les coups de chat remplacent les coups de pouce. Tout le monde essaie de manger sa part, oubliant la base de couscous. Derrière Watt, tu traînes tes péchés comme un chauffeur de pousse-pousse. Les lascars sont capables du pire pour mettre sur la table un bout de troupe. C'est pas du crunk, c'est du crack, crack. C'est pas du prof, c'est du crack, crack. Enfoiré, tu nous vois pas fuir comme une putain d'embuscade. On sent pas les couilles de ton squad. On pratique le son des squats. Des mecs qui traînent dans les squats, qui se lèvent pour visser à l'escouade. Excusez nos maladresses, on a la dalle à Barbès. Personne ne rêve d'avoir des finances qui ressemblent à la Grèce. Envie de me casser d'ici, prendre cette chaîne de vie par les tresses. On compte pas sur les coups de chat, on s'en tape des vendredis 13. Ils veulent boycotter les 18 quartiers, boycotter les quartiers. On rêve de toucher le plafond, eux ils veulent qu'on foute le parquet. Boycotter les quartiers, quartiers. Boycotter les quartiers, quartiers. On rêve de toucher le plafond, eux ils veulent qu'on foute le parquet. Parquet. Barbès clan, yeah. Ouais, pour tous les quartiers de France, c'est tout le pleuvé. Tous les mecs dans leur voiture, écoute ça. Aïe, cousin, on se téléporte dans toute la France, ça frérot, c'est bon pas vous. Explicite lyrics, la nocturne. C'est 36 en vingt shot, j'aurais déjà ruiné la carte. J'arrive à toute allure, non, je rappe pas depuis tout à l'heure. Dans le rap, j'suis tellement à l'aise, j'pourrais poser la bite à l'air. J'arrive à toute allure, non, je rappe pas depuis tout à l'heure. Ça fait 8 piges que j'suis dans le move, 8 piges que j'rappe la rue, sa mère la pute. 8 piges que j'rappe de hit et finir mes jours dans les mers du sud. Mais le rap paye pas, donc obligé, je vends de la ksoum. Pour être riche, j'suis sans pitié, j'te ferai sniffer Brahim Asloum. J'la fond dans le haram, j'suis pas de ceux qui cherchent du taf. C'est le 36 à Vinchat, j'aurais déjà ruiné la cave. Villet c'est one, on connaît jusqu'à fond vert. Les boycotteurs c'est des PD, que des petits cons, les faux frères. Les mecs sont pas rentables, c'est la routine, faut faire avec. Un schlag, ça reste un schlag, même s'il se noie dans l'eau de Javel. Il parle de moi, de mon rap, de mes cuites, de mes tas, de ma jambe en méta, de ma chute en bécane. Ils disent même que je perds mon temps, que je percerai pas de toute manière, mec. Si tu te mêlais un peu de la grosse chatte à ta mère, ouais. L'avenir est à nous. Baisse pas, toujours dans le bus de la merde. Rien à foutre du game. Moi, comme étant haut, je fisse le but. L'avenir est à nous, pas au fils de but. Rien à foutre du game. Moi, comme étant haut, je fisse le but. DDDI, toujours dans le bus de la merde. Opérationnel, même quand c'est la merde. 25 perches au compteur, toujours de la batterie. J'mets des sous de déco pour complète, j'me rapatrie. C'est les bas-fonds de Paris, à ne pas confondre. Sinon, comme un marais, tu te la manges profond. La tête ailleurs, en gardant les pieds sur terre. Les frères coulent sur le terrain comme l'eau d'une citerne. Tosma, bolos, transac dans une rue terne. C'est le quotidien des frères qui n'entrent pas dans les critères de la société gouvernée par des racistes. Toujours capuché pour pas passer sur la 6. La capitale a fait nous des capitalistes. Les gars Scami prennent le Thalys, les litrons dans la valise. Dallas paranoïaque comme tous les mecs en volcan. J'transforme la coke en cucram. Ouh gataga. Faut pas trahir les siens. Mon pote à bragatabra. C'est je suis un magicien. J'transforme la coke en cucram. Gataga, j'crache une touche car pour les couches tard qui vaut bon char. H24 qui rate pas une promenade au star. 11-43 autour de la taille, rafle dans la veuca. Dallas paranoïaque comme tous les mecs en volcan. Ok, ça à la famille, j'suis enchanté, j'm'appelle Rémi. Genre de mec qui arrive tout de suite, m'en fait qui est là dans une heure et demie. Sardi, fais-moi gloubli, j'vais me faire une overdose de pâte. J'me jurais que la Zermi c'était mon meilleur prof de maths. Y'a pas d'échappatoire sans oublier de se contester honnête. Suisse petite doublette, la short direct du concessionnaire. Avec mon sperme, tu t'es lavé, ça va de personnalité. Bref, Marise, tu savais combien je m'emmerde, tu n'as l'idée. Petit PD, t'as pas idée de ce qui se passe dans ma tête. Là, je braque le mic au matin et le rap au AK-47. Style fraîche, fais une caresse, moi une rafale de balle. Style fraîche, style fraîche, fais une caresse, moi une rafale de balle. Style fraîche, style fraîche, du négro qui a déjà les crocs. Accompagné de Méro, de Xa à Blackmo. Élevé et le niveau, en chien sont les mistos. De l'ange, Madeleine, c'est qui galore. Ça vient du 7-5, 0-2-0. Un chemis tout seul dans la tête, c'est comme un bucket devant des Doberman. Une salope dans son clic, ça s'enfuit comme une meuf qui tourne mal. Les cifles à la Marseillaise, c'est que le revers de la médaille, man. De la colonisation et d'humiliation par des flics crades, man. J'enchaîne les couches, la lyricale, le temps d'un sèche, je suis d'Artagnan. Flow super efficace, je regrette d'avoir test, fallait penser à. Plus trop de thunes à la caisse, je travaille le mic pour amener des sous aux parents. Fais ce qu'il faut pour être prêt dans le sable, donc ça rote KO printemps. Aïe. Depuis peu dans le rap, mais je nique tout, je m'en bats. Les yeux qu'on gonflait à bloc, salope, nous on fonce dans le tas. T'es une caresse, moi une rafale de balle à ma sortie dans les packs. Si j'ai 20 chaînes, ça y est, j'ai fait mon taf. Et maintenant je me bats. Que le mec qui se rappelle de ce morceau à l'époque. Aïe aïe aïe. Yeah. Barbès Clan, D.E. C'est la nocturne avec D.I. au contrôle. Yes. D.I. du Barbès Clan avec ce morceau, on te retrouve. Style Fresh, Bilal, Mysterio aussi ce morceau. Ouais, c'est un morceau qu'on a fait il y a quelques années, ça déjà à l'époque, tu vois. C'est un morceau qu'a fait un peu pareil que nous dans Paris, tu vois. Donc ça nous a fait un petit peu connaître. Donc ça fait un petit moment, tu vois, on est là, t'as vu, c'est-à-dire des morceaux comme ça, on en a fait quelques-uns, tu vois, et par exemple avec la Scred, on a fait, comme t'as dit, mon test à l'heure, on a fait pas mal de morceaux sur leur projet, des morceaux anthologiques, tu vois, qui nous tiennent vraiment à cœur. Et donc voilà, allez cliquer, vous tapez des... Allez cliquer, des, vous allez trouver plein de sons. Vous allez voir, vous allez sur internet, il y a plein de trucs, des freestyles, il y a plein de... Vous allez voir, vous allez vous mettre bien. Bon, dans un instant, il y aura du live à pas louper pour conclure cette première heure de Nocturne. Et là, on va repartir sur un extrait de Freebase qui est dispo dès maintenant en téléchargement légal, allez-y. Yes, sur un petit extrait de Freebase, on va mettre aussi un petit extrait de Mimi. Ouais. Comme sur le morceau de tout à l'heure, elle a fait seulement les cœurs. Non, elle a ramené un nouveau morceau, elle, qui est sorti tout à l'heure. Un titre inédit, tu vois, sur sa chaîne. Mimi YW, allez cliquer sur YouTube, c'est du très très lourd. Sur Facebook aussi. Sur Facebook aussi. Il s'appelle comment sur Twitter aussi, aussi. Sur le Gizmo Facebook, la page, il sera dessus. Bah, tu vas me balancer aussi. Ah ouais, direct, c'est obligé, frérot. Yes. Sale. Il s'appelle comment Mimi ce morceau qu'on va écouter. Inestimable. Ouais. Et bon, on l'écoutera dans un instant. Justement, on repart sur Freebase avec ton compère Shot là, justement, le morceau, c'est Débrouillard. Débrouillard, un petit morceau pour tous les mecs qui connaissent la survie. Ouais. Paris Barbès. Y et W, chante la DU, DU chante la J. Ok. On va pas cirer des pompes pour se faire connaître. Dans l'art de la démerde, enfoiré, on n'est pas ses maîtres. Mais si ça fera brut, envoie les euros nets. Pêche au mon son, tu parleras sans aéronef. Sans aéronef, dans une pas de 09. Débrouillard, vu que le rap ne paye pas des baskets neuves. Viens pêche au mon son, tu planeras sans aéronef. Ici, ça peura brut, envoie les euronets. Je suis pas un gratteur, j'ai trop de nif comme des patriotes. Va dire aux bâtards que c'est pas la peine, cracher dans leur yacht. Débrouillard, de l'adolescence au coroner. Parce qu'on est jamais mieux servi que par ses coronets. J'ai pas sucé des bites pour me faire connaître. Dans l'art de la démerde, enfoiré, je suis pas ses maîtres. Les vrais amis se font rares un peu comme une comète. Pour un éco-hex, t'as une dizaine de fausses promesses. Débrouillard, à la base, on n'a pas grand chose. Et plutôt que de faire la manche, on préfère terminer mon show. L'État mange des milliards, nous les allocs familiales. En plus de nous la mettre, on nous réclame un sourire convivial. Qu'est-ce j'en ai à foutre, qu'on prenne ou pas pour un poète. J'ai trop rappé gratuit, faut que la SACEM recrache les copecs. Là où on m'attend pas, jamais là où il faut être. Comme le drapeau algérien dans un match en Europe de l'Est. La vie c'est un combat contre la Zermis, c'est tête à tête. Quand y a pas d'oseille y remédier, c'est un casse. casse-tête. Les refrains ont tous faim, c'est pas une excuse. Ben qui ouais. veut trouve un moyen, qui veut pas sort une excuse. Zone sensible, y'a pas que les couilles dans le slip. Et si le rap marche pas, t'inquiète pas, on a d'autres ustensiles. Avec ou sans radio, avec ou sans site, tel ADI, ça fera mal comme une rage de gencive. On va pas cirer des pompes pour se faire connaître. Dans l'art de la démerde, enfoiré, on est pas ses maîtres. Ici ça peur à brut, envoie des euros nets. Fais un pécho mon son, tu planeras sans aéronef. Sans aéronef, dans le pas 09. Débrouillard, vu que le rap ne paye pas des baskets neuves. Viens pêcher mon son, tu planeras sans aéronef. Ici, ça peur à brut, envoie les euronets. J'ai pas un an s'arranger, qu'arrangera mes problèmes. Débrouillard depuis tout petit, faut compter sur soi-même. Si t'as la flamme, roule un petit, car j'ai la flemme. Apocalypse, DMC, je les détruis comme au caflemme. Débrouillard pour des broutilles, ça fonce, fonce dans le brouillard. Ce que tu penses, je m'en balance. Tu peux te faire fumer par un couillard. La vérité sort de la bouche des mecs qui plaisantent pas. Des brouillards depuis nos premiers pas dans la musique. Ça nous boycotte, y'en a plus d'un qui faisait partie du public. Chante la fuck, fuck la république. Moi je rappe pour les miens, pour péter le million. T'inquiète pas, dit, on dansera pas le mia. Par baisse au mic, c'est du qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Des brouillards au mic, c'est du qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Le temps a fait de moi ce que je suis, ce que je sais. C'est ce que je fuis. À vos marques, préfeu partez. J'kiffe écrire des synthés. Marre de vendre des sachets. J'vais toucher des cachets. Pour tous mes frères au cachot. Le Sancho comme Sancho. J'suis le temps comme Pocho. M'appelle pas de 7 à 8. Dans le 1-8, j'suis Boracho. Un voyou, ça s'arrête pas. Ça prend une pause. Fuck les séries à l'autre rose. J'suis un serial rimeur. La rue et ses rumeurs. Quand j'ai plus d'angle, j'écris mes textes avec ma sueur. J'écris mes textes avec ma sueur. On va pas cirer des pompes pour se faire connaître. Dans l'art de la démerde, enfoiré, on est pas ses maîtres. Ici ça peur à brut, envoie des euronets. Mais un pécho mon son, tu planeras sans aéronef. Sans aéronef, dans le pas 09. Débrouillard, vu que le rap ne paye pas des baskets neufs. Viens pécho mon son, tu planeras sans aéronef. Ici ça peur à brut, envoie les euronets. On va pas cirer des pompes pour se faire connaître. Dans l'art de la démerde, enfoiré, on n'en est pas ses maîtres. Ici ça peur à brut, envoie les euronets. Viens pécho mon son, tu parleras sans aéronef. Sans aéronef, dans le pas 09. Débrouillard, vu que le rap ne paye pas des baskets neufs. Viens pécho mon son, tu parleras sans aéronef. Ici ça peur à brut, envoie les euronets. Et ma chaîne à la prod. Gros big up à Mesquin, DJ Holdem. DJ Vamp, Fabio Lito. YW, Chantel ADI, Barbès Clan. Gizmo, Mokles, Mimi. En direct live. Planète rap. 100% rap français. Que je viens toucher, un gros joint plein d'huile, chargé à faire tousser. Moi t'es mal à huis, je t'assure il est touché. Si tu tiens pas la route ma gueule, c'est mieux d'aller te coucher. Je consomme la salade, les olivettes. De quoi te mettre KO, t'endormir, pire qu'un somnifère. Du lundi au mange-ti, été comme hiver. Tellement de fumée dans la pièce qu'on dirait qu'il y a un incendie. Purple amnésia, orange bun, super que ce qu'on. Chez nous ça tourne, canapé frac qui reste collé dans les bouchetons. L'odeur qui monte en scène, mène, frappe ton kérosène. En cas de pénurie, ça monte un dame pour de la bonne selle. Minuit pile avec chante la de l'île de William Peel. Belle et gâte à meuf, si elle est chaude, on la pile. Une nette qu'à un chef-là, on se les capte devant le VK. Système D, pas de feta, le tosma dans la VK. Smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day, smoke point every day J'm'endors avec, j'me lève avec, c'est devenu la routine. Quoi que je fasse, j'me balade jamais, sans train parler mes outils. Bouger ma rétine, salade olive, bon appétit. On défrit la patate et on kiffe quand ça pétille. La matière qui colle au watt, neutralise la salive. Donc viens tacon sur watt, pour pas finir au sacré. J'trouve un speed dans mon split, un peu comme dans How High. J'passe à l'épice, prends un cheval pour entamer la night. Comme le maillot du plaid, la peu est bien verdâtre. Ça parode sur Paname, tu détailles dans les Airfly. Un petit son de Barry White, histoire que ça passe crème. Et direct j'm'enroule un, après que j'ai froissé les pastels. Commencer c'est facile, arrêter c'est un casse-tête. T'as des morphales sur le rinté qui veulent pas lâcher le steak. On a du flair de l'odorat pour renifler les tipanettes. Et lendemain rebelote car faut terminer la plaquette. J'ai la foi en moi et je vise le haut, je ne baisse pas les bras. Oh, oh. J'ai la foi en moi et je vise le haut, je ne baisse pas les bras. Oh, oh. J'ai la foi en moi et je vise le haut, je ne baisse pas les bras. Oh, oh.